Les yeux t'ont pas loupé, ma bouche t'a appelé. T'as supporté mon cœur, comme tous tes bracelets. Ton ex va s'affoler, il peut plus consommer. Mets le haut-parleur quand il va rappeler. Mes yeux t'ont pas lâché, ma bouche l'a pas caché. Ton cœur était fait d'or, comme tous mes bracelets. Tes ex vont s'affoler, elles peuvent plus consommer. Mon prénom et ton nom, faudra les associer. Faudra faire un peu le ménage dans l'entourage, mettre un peu de distance avant que le reste arrive. J'ai entendu les messes bas, je le dis tout pour les médisants. Oui, j'ai les reins solides. Je vais te montrer que j'avais raison. Je fais ça pour toi et moi aussi. Y'aura pas de diversion. Dans les yeux, on sait bien qui est qui. Regarde-moi, regarde-moi. C'est normal qu'il nous regarde. Tu sais, un peu d'hasard, c'est trop tard pour venir s'asseoir à la table. Incomparable avec les autres, maintenant je le réalise. C'est tous des journalistes à commenter sur nos hits. On a mis la barre tout en haut, j'entends que le seum arrive. Et le jour J aura des fuites, mais ça changera rien pour la suite. Si je prends un bif à chaque fois qu'il nous pique, j'aurai de quoi racheter l'Afrique. Je t'ai montré que j'avais raison. Je fais ça pour toi et moi aussi. Y'aura pas de diversion. J'irai dans les yeux, on sait bien qui est qui. Regarde-moi, c'est normal qu'il nous regarde. Tu sais, un peu d'hasard, c'est trop tard pour venir s'asseoir à la table. Regarde-toi, regarde-moi, c'est normal qu'il nous regarde. Il est trop tard pour venir s'asseoir à la table. Et officiel, officiellement. Officiel. Et officiel, officiellement. Et officiel. Et officiel, officiellement. Et officiel. L'officiel officiellement. L'officiel officiellement. L'officiel officiellement.